La délégation des permanents de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Chongnyun, conduite par Kang Yong-chul, chef de département du présidium du comité central de la Chongnyun, a visité le 17 courant le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.